C'est un homme qui a vécu plusieurs vies. Selon l'un de ses biographes, Jonathan Miles, il a d'abord été un enfant gâté dans sa Bohême natale, puis dans l'Allemagne décadente de l'après-Première Guerre mondiale, il a joué les Playboys avant de devenir un apprenti espion à Moscou. On le retrouve ensuite parcourant l'Europe en commis voyageur de la Révolution et combattant anti-nazi. Agent secret en Angleterre, il fréquente plus tard le gratin d'Hollywood où il sème la bonne parole, puis il est le factotum de Staline pendant la guerre d'Espagne et traversant à nouveau l'Atlantique, il se métamorphose en insurgé communiste en Amérique latine lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais sa dernière et nouvelle vie sera aussi triomphale que fatale. De retour chez lui en Tchécoslovaquie, il connaîtra succès et reconnaissance avant de monter sur l'échafaud, victime de la terreur stalinienne. Cet homme aux multiples vies s'appelait Otto Katz. Entre ombre et lumière, acteur important et méconnu du dernier siècle, il a naturellement fasciné M. X. I was 17, it was a very good year, it was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines, their chauffeurs would drive. When I was 35, but now the days grow short, I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine old kegs. From the brim to the dregs, and it poured sweet and clear. It was a very good year. Rendez-vous avec X sur France Inter. Quand on commence à s'intéresser à Katz, on s'aperçoit avec stupéfaction que ce diable d'homme a rencontré à peu près tous les gens qui ont compté dans la première partie du XXe siècle. De Marlène Dietrich à Bertolt Brecht, en passant par l'inventeur de la propagande politique, le célèbre Musenberg, ou encore les cinéastes Fritz Lang ou Billy Wilder. Et bien sûr, Katz a été mêlé à la plupart des événements de ces années-là. Oui, mais ce qui a surtout retenu votre attention, c'est qu'il a été un maître espion. Ah ben, naturellement. Et également un serviteur zélé du petit père des peuples. Staline. Bon, je ne vais pas vous accabler de citations, mais j'en ai quand même retenu deux. Edgar Hoover, d'abord. Pour l'inamovible patron du FBI, Otto Katz était un stalinien allemand d'exception. Tandis que son ami, le grand Arthur Kessler, le présentait comme l'impresario nonchalant des grands spectacles du Comintern. Oui, c'est-à-dire l'international communiste. Nonchalant, l'épithète est intéressante. Hein? Oui, oui, parce qu'elle dépeint parfaitement l'apparence que voulait donner Katz de lui-même. Celle d'un homme qui semblait détaché au-dessus des contingences de l'existence. Oui, mais c'était un masque. Ouais, certainement. Ouais. En réalité, il y avait derrière un convaincu, un agent secret discipliné qui pouvait appliquer sans état d'âme les consignes qu'il avait reçues. Bref, le dandy trompait son monde. Alors, question traditionnelle, d'où venait-il ? Otto Katz est né en 1895 dans une communauté juive de Bohême. Donc, au sein de l'Empire austro-hongrois. Hein? Oui, oui, son père est un homme d'affaires prospère qui pourra assez longtemps aider financièrement son fils. Il est enfant unique ? Non, non, il a deux frères dont l'un deviendra un célèbre juriste et historien. La famille d'Otto est germanophone et l'éducation d'Otto et de ses deux frères se fait en allemand. Otto est particulièrement doué pour les langues. Il en parlera couramment cinq. L'allemand, bien sûr, le tchèque, l'anglais, le français et le russe. Il faut ajouter que sa naissance dans une famille aisée lui donnera un goût prononcé pour le confort matériel. Oui. Et comment se fait son approche de la politique ? Ben, il semble que c'est l'un de ses frères qui l'initie en lui rapportant une brochure sur l'essor du mouvement socialiste en Allemagne et en Autriche. En 1913, Otto part pour Vienne et intègre l'Académie impériale qui prépare les jeunes cadres de demain. Une formation de gestionnaire qui lui sera bien utile plus tard. Toujours à Vienne, le jeune homme se passionne pour l'affaire Redl, du nom du chef des services secrets autrichiens. Oui, une affaire de trahison. Hein? C'est ça. Oui. Redl renseignait les Russes et les Français, mais bientôt c'est la guerre. Katz, qui ne cache pas ses sympathies pour les socialistes, se voit refuser un grade d'officier à cause de ses opinions politiques. Oui, mais il est mobilisé. Oui, il est blessé le soir de Noël 1914. Pendant sa convalescence, il déserte. Toutefois, il est rattrapé et mis aux arrêts pendant 7 mois. Puis il repart au front. En 1919, il est enfin démobilisé, il vit alors à Prague, où il trouve d'abord à s'employer dans une société métallurgique. Mais il s'y ennuie. Heureusement, il existe dans la capitale tchèque une brillante vie culturelle dont les acteurs sont souvent des juifs. Katz fréquente donc les intellectuels et artistes d'avant-garde tels que Kitsch, Werfel ou Kafka. Bref, il s'amuse, fait de nombreuses conquêtes féminines et grâce à l'argent paternel, publie quelques poèmes à compte d'auteur. Rien de très sérieux. Non, non, parmi ces intellectuels que je vous ai cités, c'est surtout Egon Kitsch qui l'influence. Or, ce journaliste et romancier est déjà lié au Comintern. Il anime un groupe d'artistes et d'intellectuels qui soutient la révolution russe. Otto y rencontre une jeune et séduisante actrice gauchiste, Sonia Boksova. Il l'épouse et part avec elle à Berlin. Mais le couple, malgré la naissance d'une fille, ne survivra pas à l'agitation et l'énergie que dégage la capitale allemande des années 20. Mais Katz ne s'est pas encore réellement engagé. C'est vrai. Toutefois, à Berlin, il fait une rencontre décisive. Celle d'un homme qui tiendra désormais une grande place dans son existence. Willy Münzenberg. Oui, c'est l'inventeur de l'agitprop. Ce qu'on appelle aujourd'hui la communication politique, oui. C'est Münzenberg qui, ayant perçu les qualités de Katz, va faire l'éducation politique de ce jeune dandy et lui confiera le rôle de défenseur des intérêts du Comintern sur la scène culturelle berlinoise. Alors, avant de poursuivre, un mot sur ce personnage exceptionnel dont je vous ai longuement parlé autrefois. Ouais, je me souviens. Donc, je vous rappelle simplement que Willy Münzenberg est déjà un pion essentiel de l'international communiste. Basé à Berlin, il a théorisé quelques idées aussi simples qu'efficaces. Oui, par exemple. Il soutient que l'émotion l'emporte toujours sur la raison, ou que le mensonge en communication est à égalité avec la vérité. Il affirme aussi qu'il est préférable de faire parler des compagnons de route plutôt que des militants. Lénine, en personne, lui témoigne une grande confiance puisqu'il en a fait le superviseur de la propagande communiste en Occident. Ainsi, il crée le Secours ouvrier international qui servira essentiellement à drainer des fonds pour Moscou. Puis il fonde le Comité mondial de lutte contre la guerre et le fascisme. Ouais, des organisations qui sont en réalité autant de pures officines communistes. Hein. Oui, mais Meisenberg voit plus loin. Dès 1922, il est à la tête d'un véritable empire comprenant des maisons d'édition, des sociétés industrielles, une firme cinématographique et même des soupes populaires. On le présente alors comme le millionnaire rouge, un personnage tout puissant dans le Berlin des années 20, qui ne dédaigne pas le luxe et le confort matériel, ce qu'appréciera aussi Katz. Justement, alors, que fait concrètement ce dernier ? Conformément à ce que lui a indiqué son mentor, Meisenberg, il se crée un réseau de contacts dans les théâtres berlinois. Il fréquente donc les intellectuels avant-gardistes ou anti-bourgeois, Bertolt Brecht, Heinrich Mann, T.S. Eliot, Sinclair Lewis, Erwin Piscator ou encore le futur cinéaste d'Hollywood, Billy Wilder. Otto Katz écrit aussi des piges dans les journaux de gauche tout en adhérant au Parti communiste allemand. Il est donc très actif. Hein. Ce qui n'empêche pas de continuer à jouer les dandys et à papillonner. C'est un séducteur. L'un de ses amis aura une très jolie formule pour évoquer cette attitude. Il fait la cour à toutes les jolies femmes qu'il croise avec un taux de réussite largement supérieur à la moyenne. Vrai ou faux, il affirmera avoir conquis Marlène Dietrich et même l'avoir épousée. Mais il se vante, non ? Très certainement. En tout cas, peu à peu, sa situation va se dégrader. Oui, je pense que c'est à cause de la montée du nazisme. En particulier. C'est la fin de la grande époque du milieu intellectuel socialiste en Allemagne. Katz connaît personnellement un grave échec théâtral aux côtés de Piscator. Leur collaboration se termine par une débandade financière. La presse nazie prend à partie le juif Katz, tandis que le fisc ordonne des poursuites. Pour le protéger, en 1931, Meisenberg prend la décision de l'envoyer à Moscou. Ça va changer de Berlin. En effet. Pas de cabaret, de théâtre, de club ou de café. La vie dans la capitale soviétique est morne. Otto Katz semble condamné à la dépression. Mais il n'en montre rien. D'autant qu'il est nommé responsable de la branche allemande d'une société de production cinématographique moscovite, montée par Meisenberg. Il y côtoie en particulier le documentariste hollandais Joris Ivens. Et c'est le début d'une association de très longue durée. Oui. Mais précisément, que fait-il ? Eh bien, confronté à la réalité soviétique, il est témoin du contrôle du cinéma par une bureaucratie rigide qui évalue idéologiquement les œuvres proposées. Néanmoins, il prend conscience de l'importance du cinéma et de son pouvoir sur les masses. Oui, il reste donc dans la ligne. Oui, en dépit d'une existence terne. Mais il connaît aussi une éclaircie sentimentale. Elle s'appelle Ilse Klagemann. Il a rencontré cette blonde aux yeux bleus issue d'une famille bourgeoise à Berlin, où elle avait adhéré au Parti communiste. Fin 1931, elle le rejoint à Moscou, où elle devient sa secrétaire, sa maîtresse, et bientôt son épouse. Katz se range alors. Ah, pas vraiment, mais il se tolérera les maîtresses et les flirts de son mari. Et elle sera surtout un élément de stabilité pour ce séducteur impénitent. D'autant que bientôt, Otto Katz va devoir mener une double vie. C'est-à-dire ? Dans le cadre de ses activités professionnelles, il est scénariste, assistant auprès des metteurs en scène et directeur général de sa maison de production. Mais il est aussi élève à l'école internationale de Lénine. Mais qu'est-ce que c'est ? Bon, pour dire les choses simplement, c'est une école d'espionnage. Contrôlée par le service de contre-espionnage de l'armée rouge, on y enseigne les techniques du renseignement et on y reçoit un entraînement militaire assez rigoureux. Katz se destine donc à devenir un espion. Oui, il sera un illégal, c'est-à-dire un agent qui agit sous de faux noms et de fausses identités, sans la protection de l'immunité diplomatique. Et dès cette époque, il a intégré les rangs de la police politique, le NKVD, héritier de la Tchéka. Ressemblait ce dandy. Dans son ouvrage « La fin de l'innocence, les intellectuels d'Occident et la tentation stalinienne », Stephen Koch brosse le portrait suivant. Il était svelte dans sa jeunesse et il allait rester mince à l'âge mûr. Il n'était pas grand de taille, mais finement charpenté. Il avait une tête très intellectuelle et un front qui commença tôt à se dégarnir, des yeux immenses, au regard triste et sage, qui vous faisait penser, bien à tort, que vous pouviez lire directement dans ses sombres pensées. Il affichait un sourire charmeur et une séduisante distinction. D'emblée, il jouait de son charme quasi légendaire. Il avait un grand don de comédien qui lui permettait de créer à volonté l'illusion d'une intimité imméritée. Après avoir reçu cette formation d'agent secret, Otto Katz s'est envoyé à l'Ouest. Il dispose d'une excellente couverture, son activité cinématographique. On le retrouve donc en Allemagne, en Suisse, puis aux Pays-Bas, où il rejoint Munzenberg, qui prépare une grande conférence pour la paix. Katz, le dilettante, a bien changé. D'après ceux qui le connaissent bien, c'est désormais un militant sérieux, un communiste convaincu. C'est son séjour à Moscou qui l'a transformé ? Incontestablement. Et pour ses maîtres du NKVD, c'est une recrue de choix. Son vernis culturel lui permet de s'insinuer dans les milieux bourgeois et élitistes. D'une façon plus sournoise, Katz s'est aussi chargé d'espionner ses propres camarades du Kuomintang. Mais expliquez-moi ça. Staline s'est toujours défié de ces militants internationalistes et idéalistes de la première heure. Des intellectuels étrangers et souvent juifs. La nouvelle mission de Katz consiste donc à tenir ces militants à l'œil. Et au besoin de les dénoncer ? Ce sera le cas lorsque viendra le temps des grandes purges. Oui. Alors si je comprends bien, Katz est aussi agent double à l'intérieur même du système soviétique. C'est exact. Et grâce à lui et à quelques autres, le Comintern est maintenant étroitement contrôlé par les services secrets. Ouais, le NKVD. Oui, le futur KGB. Pour Katz, ça signifie également qu'il doit espionner aussi son mentor. Willy Münzenberg. Car celui-ci est avant tout un Kominternien. D'ailleurs, Katz s'est trouvé un nouveau maître, Karl Radek, un bolchevique de haut rang chargé de mettre en musique la politique secrète de Staline vis-à-vis de l'Allemagne, après l'arrivée de Hitler au pouvoir. Oui, ça, c'est le grand écart. Oui, car d'un côté, le Kremlin encourage la campagne antifasciste organisée par Münzenberg en Europe occidentale, mais de l'autre, par l'intermédiaire de Radek, il mène des discussions secrètes avec les nazis. Oui, ça conduira au pacte germano-soviétique de 1939. Hein. Exactement, c'est-à-dire à l'élaboration d'une véritable union tactique entre Berlin et Moscou qui, le moment venu, dépèceront de conserve la Pologne. Et Katz est l'un des instruments de cette politique de duplicité. Katz, qui, avec Münzenberg, use de son entregent et de son habileté pour animer la campagne antifasciste, mais qui, avec Radek, tisse des liens secrets avec l'adversaire nazi. Ouais, il est donc obligé de mentir en permanence. Eh oui, comme vous dites, en espionnant son ami Münzenberg, il prépare sa chute. Sur ordre. Oui. Désormais, Katz obéit aveuglément à Staline. Et lui restera fidèle jusqu'à la fin. Sa propre fin, je veux dire. Mais on n'en est pas encore là. Il est difficile de soupçonner la duplicité de l'agent Katz qui, en parfait accord avec Münzenberg, participe activement à la propagande antifasciste au sein de nombreuses organisations paravent comme le comité Amsterdam-Pleyel ou le comité international d'aide aux victimes du nazisme. Mais dans cette première partie des années 30, la grande affaire de Katz, c'est l'élaboration du livre brun. Oui, le livre brun, après l'incendie du Reichstag. Que les nazis attribuent aux communistes. Ce qui provoque une vive réaction de ces derniers et donc la confection de ce livre brun destiné à dénoncer les mensonges de Berlin. Et Katz prend sa part dans la rédaction de cet ouvrage ? Aux côtés de Münzenberg, oui. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vaste enquête qui rassemble des témoignages sur les crimes nazis. L'ouvrage paru en août 1933 et traduit en 17 langues, est un succès mondial, vendu à plus d'un demi-million d'exemplaires. Il y aura aussi l'organisation du contre-procès et la réalisation d'un film. La contribution de Katz a donc été essentielle. Et il se rendra ensuite en Angleterre, où il créera le comité mondial des étudiants contre la guerre et le fascisme. Mais c'est l'époque où de plus en plus d'étudiants britanniques sont séduits par le marxisme. Et il est probable qu'il a dû croiser à l'occasion ceux qui deviendront les espions de Cambridge. Oui, Philby et les autres. Oui. En décembre 1934, Katz est de retour à Moscou. Pour peu de temps, car une nouvelle mission va le conduire aux États-Unis sous l'identité de Rudolf Breda. Quel est l'objet de cette mission ? Se présentant comme un combattant antifasciste, il est chargé d'infiltrer le monde du cinéma et d'y faire de la propagande. À New York, à Hollywood, il rencontre donc artistes et écrivains et crée la Ligue de Hollywood contre le nazisme. Il est d'autant plus à l'aise que les réfugiés allemands qu'il connaît déjà sont nombreux là-bas. Ainsi, Peter Lorre, l'inoubliable acteur de M. le Maudit, Fritz Lang, Billy Wilder ou Ernst Lubitsch. Mais il approche aussi des stars comme Greta Garbo ou Charlie Chaplin. Ouais, il recrute. Disons plutôt qu'il édifie un vrai réseau de compagnons de route et qu'il engrange de nombreux dons pour son organisation. Il est d'ailleurs aidé par des écrivains et scénaristes qui sont déjà des crypto-communistes comme Dorothy Parker ou Lillian Hellman, la compagne de Dashiell Hammett. Autant d'amis qu'il retrouvera à son retour aux États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis, en 1936, une nouvelle mission le conduit en Espagne. 1936, donc la guerre civile vient d'éclater. Il prend le contrôle de l'agence de presse Espagne, qui a des bureaux et des correspondants un peu partout en Europe. Katz devient l'agent de presse officiel d'un gouvernement espagnol sous l'emprise croissante de Moscou. Il organise des manifestations de soutien à l'étranger. Et malheureusement, comme tous les agents staliniens présents en Espagne, il participe à l'élimination des trotskistes et des anarchistes du POUM. Mais l'important aux yeux de Moscou, en tout cas, c'est qu'il fait la preuve de son efficacité et qu'il a la capacité de supplanter un Heisenberg de moins en moins docile. J'ajoute, enfin, qu'en Espagne, il fréquente Hemingway, ou encore Dos Passos. Oui, mais revenons un peu en arrière. La chute de Münzenberg est donc programmée. Oui, mauvais signe. Le propagandiste a été rappelé à Moscou avec son épouse alors que commencent les grandes purges. La plupart de leurs amis ont été arrêtés, et le couple cherche à tout prix à quitter l'URSS. Mais Münzenberg doit d'abord accepter de témoigner contre le fondateur du Comintern, Grigori Zinoviev. Münzenberg s'y résout ? Oui, car Zinoviev a déjà été exécuté. Le couple se réfugie à Paris, bien décidé néanmoins à poursuivre le combat antifasciste. Mais il a perdu la main. Le chef d'orchestre de la propagande de Moscou, c'est dorénavant son ancien disciple, Otto Katz, qui navigue entre Madrid et Paris, avant de s'installer dans la capitale française quand les républicains espagnols seront vaincus. En avril 1939, Katz fait un nouveau voyage à New York. Dans quel but, là ? Officiellement, il doit collecter de nouveaux fonds pour la cause antifasciste. Mais officieusement, il organise la traque d'un agent renégat, l'Américain Whitaker Chambers, qui a rompu avec le parti en 1938. Et il s'agit de quoi ? De l'éliminer ? Bien sûr ! Mais Chambers échappe de peu à la mort lors d'un rendez-vous prévu avec Katz. Et il plonge dans la clandestinité. On le retrouvera après la Seconde Guerre mondiale où il deviendra l'un des principaux témoins à charge du macartisme. Autre retrouvaille, en 1939, alors que le pacte germano-soviétique vient d'être signé, Katz se croise par hasard, Heisenberg à Paris. Celui-ci attaque violemment son ancien disciple à propos du pacte. Katz blême, ne réplique pas et part sans dire un mot. Il ne reverra pas Heisenberg, qui sera assassiné en 1940. Oui, vraisemblablement par des tueurs envoyés par Moscou. Oui, alors la suite. Au printemps 1940, Katz est de retour aux États-Unis où il se verrait bien rester le temps de la guerre. Mais 4 mois après son arrivée, il est arrêté par les services de l'immigration. Il est soupçonné d'être un agent communiste. Relâché, il est à nouveau appréhendé par le FBI un peu plus tard. Mais ses amis de la Ligue des écrivains américains paient la caution qui lui est demandée. Et il peut quitter les États-Unis à destination du Mexique, où il arrive 3 jours après l'assassinat de Trotsky, en août 1940. En raison de ses liens avec Moscou, il devient le patron, de fait, du PC mexicain. Mais il voyage aussi dans toute l'Amérique latine et fait des sauts de puce à Hollywood, où il est toujours influent. Il faut savoir qu'à l'époque, de nombreux scénaristes sont alors communistes ou sympathisants. Ouais. Et ceci n'est peut-être pas étranger à la présence de Katz. Non, on peut l'imaginer. Cependant, mais on ne l'apprendra que longtemps après, lorsque les télégrammes soviétiques pourront être déchiffrés. Il semble qu'à Moscou, l'étoile de Katz a pâli. Mais pour quelle raison ? Staline prépare déjà l'après-guerre et les grandes purges qui décimeront l'élite militante des pays de l'Europe de l'Est qu'il soumettra. Oui, autant de dirigeants qui seront remplacés par des hommes qui seront strictement afféodés à Staline. Hein. Et qui lui devront tout. En outre, Katz est juif. Et un grand vent antisémite va bientôt souffler sur le Kremlin. Rendez-vous Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. L'écrivain britannique Jonathan Miles a consacré un livre à AutoCats. Dans cet extrait, il livre une analyse pertinente du personnage, je cite. On a du mal à croire que ce playboy hédoniste ait pu supporter les grands-messes du parti aussi normé qu'austère. Et pourtant, aux yeux de Katz, l'horizon illimité du socialisme l'emporte sur tout le reste et fait de lui un rouage infatigable de la cause. Cette conviction l'attire partout où règne l'activisme politique. Le Berlin des années 20, puis Paris, Londres, Hollywood et l'Espagne des fugaces années 30. Paradoxalement, les efforts non négligeables de Katz en faveur de la révolution prolétarienne l'amènent régulièrement à fréquenter les classes supérieures et leur luxe. Il a beau être acquis à la vision socialiste, il est entièrement à son aise lorsqu'il fraye avec les riches. Une de ses connaissances, le prince Loewenstein, confiera par la suite au FBI, mais était-il tout à fait franc, que Katz était plus salonnard que socialiste. En mars 1946, Katz est de retour chez lui, à Prague. Mais il repart rapidement pour Paris, où il est chargé de couvrir la conférence de la paix au palais du Luxembourg en tant que correspondant étranger d'un journal communiste tchèque. Il en profite pour mener grand train à l'hôtel Bristol, ce qui n'aurait pas été bien vu par la délégation soviétique et son chef Molotov, le ministre des Affaires étrangères de Moscou. Cependant, c'est dans la Tchécoslovaquie de l'après-guerre que va se jouer le destin de Katz. La Tchécoslovaquie communiste. Hein. Je ne vais pas refaire l'histoire du pays, mais assurés du soutien de Staline, les communistes s'imposent peu à peu par la force. Le point d'orgue étant ce qu'on a appelé le coup de Prague, en février 1948, où il est mis fin à la fiction démocratique. Et un mois plus tard, c'est la mort tragique de Jan Masaryk, ministre des Affaires étrangères et fils du fondateur de la Première République tchécoslovaque. Oui, il se serait défenestré. Oui, mais on a aussi parlé d'assassinat. Et selon certaines sources, Katz aurait pu être impliqué dans cette affaire. Alors Katz, qui est toujours en cours. Oui, c'est maintenant un conseiller écouté du successeur de Masaryk, Clémentis. À Prague, il est même surnommé l'œil de Moscou. Ah, bah, ça au moins c'est clair. Mais Staline a déjà décidé de procéder à une vaste épuration dans les rangs même du parti. En fait, tous ces dirigeants qui se sont imposés dans les pays d'Europe de l'Est l'insupportent. Ce sont pour la plupart des intellectuels, souvent juifs, qui ont été aussi des résistants courageux. Oui, qui n'ont pas attendu tranquillement à Moscou la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ces militants chevronnés ont voyagé, noué des contacts et même des amitiés à l'étranger. Donc, ils sont suspects. Et c'est particulièrement le cas de Katz, qui a séjourné à de nombreuses reprises aux États-Unis. En outre, un personnage comme lui est en possession de nombreux secrets. Bref, il apparaît que Katz, dès 1949, fait l'objet d'une attention soutenue des services de sécurité tchèques. Qui sont déjà sous la coupe des soviétiques. Évidemment, si inquiétant pour Katz, son patron, Clémentis, fait partie d'une première vague d'arrestations. Lui-même sent qu'on le met progressivement à l'écart. Il n'est plus invité aux conférences, on ne demande plus son avis de conseiller averti. Et on lui supprime la rubrique de politique étrangère qu'il tenait pour le journal du parti. Ode Pravo. C'est la disgrâce. En janvier 1950, Katz, convoqué pour témoigner contre un autre suspect, doit faire son autocritique et affirmer sa fidélité à Staline. Oui, mais il se soumet, mais il gagne simplement un répit. Hein. Et car le harcèlement ne tarde pas à recommencer. On lui fait comprendre qu'il n'est qu'un homme sans racines, un cosmopolite. Oui, mais c'était le cas de tous ces agents illégaux du Comintern. Ah, mais les temps ont changé. Katz aggrave encore son cas en refusant d'écrire un livre sur le coup de Prague de 1948, sous prétexte qu'il n'écrit pas suffisamment bien le tchèque. Seul un traître peut avoir une telle réaction. Puis les événements se précipitent. Arthur London est arrêté. Vice-ministre des Affaires étrangères, il a servi dans les brigades internationales avant de rejoindre la résistance en France. En février 1951, c'est au tour de Clémentis. Et en novembre 1951, Rudolf Slonsky, secrétaire général du parti, est interpellé. Sous quel prétexte ? Il serait à la tête d'un supposé complot sioniste impérialiste. Un autre inculpé, un vice-ministre, a témoigné contre lui en échange de la commutation de sa peine de mort en condamnation à la prison à perpétuité. Otto Katz ne pourra plus très longtemps échapper à une arrestation. Ah bah c'est de plus en plus évident. En juin 1952, dernier parmi les 14 inculpés, il tombe à son tour. Officiellement, il est soupçonné d'avoir participé à une conspiration. Immédiatement exclu du parti, il est traité durement tout au long des heures d'interrogatoire qu'il subit. Ouais, c'est-à-dire qu'il est torturé. Et cet homme, déjà âgé, avoue tout ce qu'on veut lui faire dire. Et d'abord le fait qu'il y a eu des contacts avec les services de renseignement occidentaux. Mais si besoin était, des membres du parti témoignent contre lui à seule fin de sauver leur vie. À l'automne 1952, les bourreaux finissent de mettre au point leur sinistre scénario. Les inculpés doivent apprendre par cœur leur pseudo-confession. Ils acceptent ? Pour plusieurs raisons. Certains pensent que, puisque le parti le leur demande, il faut obéir. Ouais, c'est ce qu'on a appelé le patriotisme de parti. Et c'est terrible. Mais on leur a aussi fait croire que s'ils se comportaient bien, ils bénéficieraient de peines légères. D'ailleurs, en attendant le procès, les détenus sont bien nourris et soignés. Une autre façon de les tromper, quoi. Bien entendu. En novembre, le troisième brouillon de l'acte d'accusation est envoyé à Moscou. Afin d'obtenir le feu vert du Kremlin ? Exactement. Puis c'est la grande répétition générale avant le grand jour. Les inquisiteurs tiennent le rôle des juges. Toujours le souci de la mise en scène. Hein. Qui doit être parfaite, car le procès des 14 inculpés de Prague sera diffusé en direct à la radio et des journalistes étrangers seront dans la salle. Le procès s'ouvre donc fin novembre. Les 14 sont accusés, je cite de mémoire, d'être des traîtres trotskistes, titistes et nationalistes bourgeois qui ont fondé au service des impérialistes américains et sous la direction d'agences de renseignement de l'Ouest un centre de conspiration contre l'État dirigé par Rudolf Slansky. Oui, il s'agit là de la langue de bois soviétique classique. Oui, les procureurs n'ont guère fait preuve d'imagination. Tous ceux qui ont connu Katz se sont frappés par son changement physique. L'ancien dandy, toujours à l'aise, est désormais un vieillard édenté et malade. Quand au troisième jour du procès vient son tour de se confesser, il peine à s'exprimer. Mais il reconnaît avoir été à la solde des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour nuire à l'URSS. Tandis que l'accusation le présente comme un globe-trotter rusé, un espion lâche et changeant. Le spectacle est donc pitoyable. D'autant que les accusés s'accusent mutuellement. Katz dénonce par exemple Clémentis et Slansky qui lui auraient fourni des informations confidentielles sur les accords entre l'URSS et les pays satellites. Renseignements qui leur est ensuite transmis à l'Ouest. Oui, après tant d'aveux, le verdict ne peut guère ménager de surprise. Bien sûr. 11 des 14 accusés sont condamnés à mort pour crimes de haute trahison, d'espionnage et de trahison militaire. Parmi eux, Otto Katz. Est-ce que les anciens amis de Katz, là, tous ces artistes qu'il a fréquentés en Allemagne ou aux États-Unis, essaient de se manifester ou de protester ? Non. Seuls Anna Segers et Bertolt Brecht, qui se trouvent alors à Berlin-Est, expriment à leur manière leur désapprobation en mettant en scène une pièce radiophonique, Le procès de Jeanne d'Arc à Rouen, 1451, écrite en 1943 par Segers pour protester déjà contre les purges qui se déroulaient à Moscou. Une sorte de contre-procès, en somme. Mais qui n'a guère ému les instances staliniennes de Prague et de Moscou. Katz va donc mourir. Oui. Il sera pendu au début du mois de décembre 1952. Mais avant d'entendre la sentence de mort au dernier jour de son procès, il aura une belle réaction. Il cite, de mémoire, un extrait du célèbre livre de son vieil ami Arthur Kessler, Le Zéro et l'Infini. Moi, qui ai moins de mémoire, j'ai pris en note ce petit texte. Il s'agit de la confession de Roubachov. Je vous la lis. Je suis un écrivain. Je suis censé être un architecte de l'âme. Quel architecte ai-je donc été, moi qui ai empoisonné les âmes humaines ? J'appartiens à la potence. Le seul service que je puisse encore rendre est de servir de mise en garde à tous ceux qui, de par leurs origines ou leur tempérament, risqueraient de suivre le même chemin conduisant en enfer. C'est une façon d'avouer qu'il s'est trompé. Oui, une observation. Il faut inscrire les condamnations de Prague dans le contexte plus large de la résurgence de l'antisémitisme en URSS. C'est en janvier 1953 que se prépare le procès des Blouses Blanches. Il s'agit de ces médecins accusés faussement d'avoir... médecins juifs, d'avoir tué deux dirigeants du régime. Ben vous le savez, quelques mois plus tôt, Staline s'était attaqué au comité antifasciste juif. Plus de 110 personnes avaient été accusées d'espionnage et d'activités nationalistes anti-soviétiques. Et il y avait eu des condamnations à mort. Hein. Enfin, revenons à Katz et à ce procès de Prague. En 1956, les trois survivants, dont London, sont libérés. Et l'un d'eux admet qu'on l'a forcé sous la torture à mentir sur Katz. Un an plus tard, tout en continuant à soutenir que les conspirateurs étaient coupables, la direction du Parti communiste reconnaîtra que l'acte d'accusation était faux. Un semi-aveu, quoi. Voilà. Mais il faudra attendre 1963 pour que les 11 condamnés à mort soient enfin lavés de tout soupçon. Un rapport dénoncera même l'usage de la torture pour obtenir des aveux. Katz et les autres sont donc réhabilités. Certes, mais certains aspects de cette affaire ne seront jamais révélés. À commencer par celui-ci. De nombreuses accusations contre Katz ont été alimentées par les services occidentaux, notamment britanniques et américains. Vous voulez dire que ces services auraient transmis des renseignements concernant Katz aux soviétiques? Ça vous étonne? Après tout, c'était de bonne guerre, non? Et ça me conduit à évoquer la figure d'un autre personnage qui a joué un grand rôle dans cette affaire et qui a même témoigné au procès. Ah ouais, je crois deviner, là. Noël Field. Lui-même, rappelez-vous, Field. Un humanitaire, comme on dirait aujourd'hui, avait connu la plupart des futurs dirigeants d'Europe de l'Est dans le cadre de ses activités. Mais il était aussi proche du futur créateur de la CIA, Alain Dulles. Et le moment venu, ce dernier a envoyé Field derrière le rideau de fer. Oui, afin de compromettre tous ces dirigeants communistes qu'il avait connus. Et la manœuvre de Dulles a parfaitement réussi. Staline a fait le travail à sa place en éliminant la fine fleur de ses dirigeants communistes. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca de Nantes et Paul Lafosse. Rebecca qui vous recommande, entre autres, ces deux livres déjà cités. Effectivement, si vous voulez en savoir plus sur Katz et ses compagnons de route, d'abord de Jonathan Miles, Otto Katz, vie et mort d'un espion, la seule biographie existante sur notre espion Dandy. Elle est bourrée d'infos, mais un peu touffue, et est parue en 2012 chez De Noël. Et également le livre de Stephen Koch, chez Grasset, La fin de l'innocence, les intellectuels d'Occident et la tentation stalinienne. Édité il y a presque 20 ans, ce livre nous replonge dans le bouillon culturel et politique de l'entre-deux-guerres jusqu'au début de la guerre froide. Et alors, merci Rebecca. Vous pouvez nous retrouver sur franceinter.fr. Rendez-vous, bien sûr, samedi prochain et tout de suite, aujourd'hui même, à Nancy, où je serai présent au livre sur la place. Après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.